Chapitre 8e. Monsieur Tyrrell consulta, sur le plan qu'il avait à suivre, son confident ordinaire, et celui-ci, qui ne le cédait guère à son ami en brutalité et en insolence, ne pouvait pas se figurer qu'une misérable petite fille, sans richesse et sans beauté, dût gêner le moins du monde les fantaisies d'un homme de l'importance de monsieur Tyrrell. La première idée qui vint à ce barbare parent, ce fut de jeter à la porte la malheureuse orpheline et de l'abandonner entièrement. Mais il ne pouvait pas se dissimuler qu'un pareil procédé ferait beaucoup crier contre lui, et à la fin, il s'arrêta à un projet qui, en mettant suffisamment sa propre réputation à couvert, lui donnait encore bien plus l'assurance de punir et de mortifier sa victime. Il jeta les yeux pour son dessein sur un jeune homme de 20 ans, fils d'un certain Grimes, qui tenait une petite ferme dans la seigneurie de son ami. Ce fut ce garçon qu'il résolut de donner pour mari à Miss Melville, soupçonnant dans sa malice qu'entraînée par les sentiments de tendresse qu'elle avait malheureusement conçus pour M. Falkland, elle ne recevrait une proposition de mariage qu'avec une extrême répugnance. Il choisit Grimes comme étant, sous tous les rapports, diamétralement l'opposé de M. Falkland. Ce n'était pas précisément un garçon qui eut des inclinations vicieuses, mais il était grossier et rustre au dernier point. Son teint était d'une couleur bise et tannée, sa voix rauque, tous ses traits durs et singulièrement discordants. Enfin, d'un bout à l'autre, rien n'était plus repoussant que toute sa personne. Il n'avait rien de méchant dans le caractère, mais il était tout à fait incapable de tendresse et ne pouvait pas goûter dans les autres des sentiments dont il ne trouvait aucun germe en lui-même. C'était un habile boxeur. Il était porté par inclination aux amusements où se déploie la force, et les jeux de main étaient pour lui des plaisanteries favorites, qu'il ne regardait pas comme injurieuses quand elles ne laissaient pas de traces après elles. En général, il avait les manières très bruyantes, n'avait pas la moindre attention pour les autres, et était opiniâtre à ne jamais céder, non par une vraie dureté de caractère, mais parce qu'il n'était nullement susceptible de ces impressions délicates qui, chez les personnes mieux organisées, décident de presque toutes les actions de la vie. Tel était l'être à demi sauvage que la malice industrieuse de M. Tyrrell avait cherché comme le plus propre à ses desseins. Jusqu'à ce moment, l'oppression du despotisme ne s'était guère fait sentir à Emily. Son heureuse nullité lui avait tenu lieu de protection. Personne n'avait imaginé qu'elle valût la peine qu'on employât pour elle, ses gênes continuels et ses nombreuses entraves dont on tourmente les filles nées dans l'opulence. Elle avait la farouche vivacité ainsi que la délicatesse d'organe de l'oiseau qu'on laisse paisiblement gazouiller à son aise dans les bosquets qui l'ont vu naître. Quand elle entendit donc son cousin lui proposer M. Grimes pour mari, elle resta pour un moment muette de surprise. Mais dès qu'elle eut recouvré la parole, elle répondit « Non, monsieur, je vous remercie. Dieu merci, je n'ai pas besoin de mari. Si fait, vous en avez besoin. N'êtes-vous pas toujours à courir après les hommes? Il est bien temps de vous établir. » « Et M. Grimes, encore? Non, non, s'il vous plaît. Si jamais j'ai un mari, ce ne sera pas quelqu'un comme M. Grimes. Taisez-vous. Comment osez-vous vous permettre de pareilles impertinences? Mais en vérité, je ne sais pas ce que vous voudriez que j'en fisse. C'est comme si vous m'ordonniez de prendre votre vilain barbet pour le mettre dans ma chambre, sur un beau petit coussin de soie. Et puis, M. Grimes n'est qu'un simple ouvrier, et je suis bien sûr d'avoir entendu dire à ma tante que notre famille était une très bonne famille. » « Cela n'est pas vrai. Notre famille, avez-vous l'impudence de vous regarder comme de notre famille? Et bon Dieu, est-ce que votre grand-papa n'était pas le mien aussi? Monsieur, comment ne serions-nous donc pas de la même famille? » « Pour une bonne raison, pardieu, vous n'êtes que la fille d'un gredin d'Écossais qui a mangé jusqu'au dernier sou la fortune de ma tante Lucie et qui vous a laissé sans pain. Vous avez en tout 100 livres sterling, et le père de Grimes s'engage à lui en donner autant. Comment osez-vous ainsi regarder vos pareils du haut en bas? Non, monsieur, non, je ne suis pas fier, assurément. Mais en vérité, monsieur, il n'est pas possible d'aimer jamais M. Grimes. Je me trouve très heureuse comme je suis. Pourquoi irais-je me marier? Grimes sera ici cet après-midi. Songez à vous bien comporter avec lui. Sans cela, il saura bien vous en faire souvenir, quand vous vous y attendrez le moins. Oh, monsieur, je le vois bien à présent, vous ne parlez pas sérieusement, j'en suis sûr. Pas sérieusement ? Dieu me damne, c'est ce que nous verrons. Ah, je vous dirai bien à quoi vous pensez, moi. Vous aimeriez mieux être la maîtresse de M. Falkland que d'être la femme d'un bon et honnête laboureur. Mais par Dieu, j'aurai l'œil sur vous. Ah ah ! Voilà ce que c'est que d'être trop bon. Il faut vous tenir de court, mademoiselle. Il faut qu'on vous apprenne à déchanter. Je vois bien que vous ne prenez pas cette petite leçon de fort bonne grâce, mais cela m'est fort égal. Les orgueilleux ont besoin de temps en temps d'une petite mortification. S'il vous arrivait de faire quelque sottise, ce serait moi qui en porterais le blâme. Le ton dont parlait M. Tyrrell était si différent de celui auquel Miss Melville était accoutumée qu'elle se sentit tout à fait hors d'état de rien comprendre à ce qui se passait. Quelquefois, il lui venait dans l'idée qu'il avait formé réellement le projet de la réduire à une situation dont elle ne pouvait pas même soutenir la pensée. Mais elle rejetait bien vite ce soupçon comme indigne de son cousin et finissait par conclure que c'était seulement une tournure qu'il avait prise pour la mettre à l'épreuve. Pour prendre un parti, toutefois, elle résolut de consulter sa fidèle amie, Madame Jakeman, à qui elle raconta tout ce qui s'était passé. Madame Jakeman vit les choses autrement qu'Emily ne se les était figurées, et elle trembla pour la tranquillité future de sa chère pupille. « Bon Dieu, ma chère maman !» s'écria Emily. C'était le nom qu'elle aimait à donner à cette bonne gouvernante. « Sûrement, vous ne pouvez pas croire ce que vous dites. Mais cela m'est égal. Il arrivera ce qui pourra. Je n'épouserai pas M. Grimes. Mais que ferez-vous pour l'empêcher ? Mon maître vous y obligera. Comment ? Croyez-vous parler à un enfant ? N'est-ce pas moi et non M. Tyrrell à qui on veut donner ce mari ? Pensez-vous que je laisserai personne choisir un mari pour moi ? Je ne suis pas assez simple pour cela. Ah, Emily ! Vous connaissez bien peu les désavantages de votre situation. Votre cousin est un homme violent et il est capable de vous mettre hors de chez lui si vous le contrariez. Oh, maman, ce n'est pas bien à vous de parler comme cela. Je suis sûr que M. Tyrrell est un bien bon parent, quoique de temps en temps un peu brusque. Il sait fort bien que dans une affaire comme celle-ci, j'ai droit d'avoir ma volonté et on ne punit personne pour faire ce qu'il a le droit de faire. Oui. « Cela ne devrait pas être, ma chère enfant, mais il y a des hommes bien méchants et bien tyrans dans le monde. À la bonne heure, mais je ne croirai jamais que mon cousin soit de ces gens-là. J'espère qu'il n'en est pas. Et puis, quand cela serait, eh bien certainement je serais très fâché de lui faire de la peine. Et quoi, ma pauvre enfant, ma chère Émilie irait se mettre sans asile et sans pain ? Est-ce que vous croyez que j'ai le courage de voir pareille chose ? Non, non, M. Tyrrell vient de me dire que j'avais 100 livres sterling. Et quand je n'aurai pas de fortune du tout, n'y en a-t-il pas des milliers d'autres qui sont dans le même cas ? Pourquoi tant me chagriner d'une chose qu'ils supportent bien et qui ne les rend pas plus tristes ? Ne vous tourmentez pas, maman. Je suis résolu à tout faire plutôt que d'épouser jamais Grimes. Mon parti est bien pris. » Madame Jakeman ne put soutenir l'état pénible d'incertitude où l'avait jeté cette conversation. Et pour voir ses doutes résolus, elle alla sur le champ trouver son maître. La manière dont elle lui fit la question indiquait assez l'opinion qu'elle s'était faite sur ce projet de mariage. « Cela est vrai, » dit M. Tyrrell, « j'avais à vous parler là-dessus. Cette petite fille s'est fourrée dans la tête des visions inconcevables qui finiraient par la perdre tout à fait. Vous pourriez peut-être me dire où elle les a prises. Mais que cela vienne d'où cela voudra, il est bien temps de s'en occuper. Les plus courtes voies sont les meilleures, et il faut prendre les choses où elles sont, avant qu'il n'y ait plus de mal de fait. En un mot, je suis très déterminé à lui faire épouser ce garçon. Vous n'avez jamais ouï dire de mal de lui, n'est-ce pas ? Vous avez beaucoup de crédit sur elle, et je désire que vous vous en serviez pour l'amener à son bien. C'est ce que vous pouvez faire de mieux, entendez-vous ? C'est une petite égrillarde, fort décidée, je vous en avertis. Il ne faudrait pas grand-chose pour lui faire faire des sottises. Et puis elle finirait par tomber dans le désordre et la misère si je ne prenais pas toutes les peines du monde pour empêcher sa ruine. Je veux faire d'elle la femme d'un honnête fermier. Et mademoiselle ne peut seulement pas en soutenir la pensée. » L'après-midi, Grimes vint se présenter à l'heure convenue et on le laissa seul avec Émilie. « Eh bien, mademoiselle, il paraît que M. Tyrrell a envie de nous faire marier femme. Pour ma part, je ne peux pas dire que j'y ai songé. Mais puisque tant est que ce gentilhomme a rompu la glace, ma foi, si le marché vous convient, vous avez trouvé votre homme. Vous n'avez qu'une parole à dire. À bon entendeur, demi-mot, il ne sert à rien de barguigner. Vous n'avez qu'une parole à dire, voyez-vous. » Émilie n'était déjà que trop mortifiée de la proposition inattendue de M. Tyrrell. Elle se trouva tout à fait confondue de la nouveauté de sa situation et encore plus de la rusticité de son amant, qui allait encore au-delà de ce qu'elle s'était figuré. Grimes prit sa confusion pour de la timidité. « Allons, allons, ne baissez pas les yeux comme ça. Regardez-moi en face. Eh bien quoi ? « Ma première maîtresse était Betty Butterfield, mais qu'y faire ? Ce qu'on ne peut empêcher, faut bien le souffrir. Le chagrin est de la viande creuse qui ne sert à rien. C'était ma foi un beau brin de fille, allez, on peut bien dire ça. 5 pieds 6 pouces francs et forte comme un cavalier. Ah, diantre, comme cela vous abattait de l'ouvrage. Toujours la première et la dernière debout. Elle avait 10 vaches à traire par jour. » Et puis elle trottait au marché sur son bonnet entre ses paniers. Fallait voir, quelque temps qu'il fasse, pluie ou grêle, vent ou neige, c'était égal. Vous auriez plaisir à voir ses grosses joues fermes et rouges comme les pommes d'api de son berger. Ah, c'était là une fille alerte. Elle vous luttait avec les gens de moisson. Une tape à l'un, un coup de pied à l'autre. Il n'y avait pas un qui n'eût son paquet. La pauvre fille, en revenant d'un baptême, elle s'est cassée la tête au bas d'un escalier. Bien sûr, je ne rencontrerai nulle part une si bonne grivoise, mais c'est égal, allez. Je ne doute pas que je ne trouve en vous tout ce qu'il me faut, quand nous aurons mieux fait connaissance. Avec votre air tout timide et tout honteux, allez, je vois bien qu'au fond vous êtes assez espiègle. Quand nous aurons un petit peu batifolé ensemble, nous verrons ce qu'en est. Je suis un luron, allez. Tel que vous voyez, je ne suis ni manchot ni aveugle, et je sais comment il faut s'y prendre. Ah, vous y viendrez. Le poisson mordra à l'hameçon, n'ayez pas peur. Allez, allez, nous nous arrangerons bien ensemble. » Pendant tout ce jargon, Émilie avait un peu rappelé ses esprits, et elle commença d'une voix encore assez mal assurée à remercier M. Grimes de la bonne opinion qu'il avait d'elle, en lui observant en même temps qu'elle ne pourrait jamais agréer ses prétentions et qu'ainsi elle le priait de vouloir bien se désister de ses poursuites. Cette déclaration aurait été assez intelligible sans les manières étourdies et bruyantes de Grimes, qui ne pouvait pas garder le silence un seul moment et qui croyait entendre d'avance tout ce qu'on voulait lui dire. En même temps, M. Tyrrell eut soin d'interrompre le tête-à-tête avant qu'ils eussent le temps de s'expliquer davantage. Et il fut très attentif par la suite à empêcher qu'ils pussent mieux se connaître ni s'entendre. En conséquence, Grimes attribua la résistance que lui avait fait voir Miss Melville à la réserve naturelle de son sexe et à la pudeur ombrageuse d'une novice. À la vérité, quand il en aurait été autrement, il est douteux que cette découverte eût fait beaucoup d'impression sur lui. Il était accoutumé à regarder les femmes comme faites seulement pour l'amusement des hommes, et il criait sans cesse contre la sottise de ceux qui les croient en état de juger par elles-mêmes de ce qui leur convient. À mesure que Miss Melville vint à voir davantage son nouvel adorateur, son antipathie ne fit qu'augmenter. Mais quoique son caractère fût décidé, et exempt de la faiblesse que donne une éducation plus soignée que la sienne, cependant, elle avait été peu accoutumée à essuyer de vives contradictions, et la sévérité toujours croissante de son cousin ne laissait pas de lui causer de l'effroi. Quelquefois, elle songeait à s'enfuir d'une maison qui était devenue pour elle une prison. Mais quand elle examinait de plus près un pareil projet, les habitudes de sa jeunesse et son ignorance du monde la faisaient bientôt reculer. Madame Jakeman ne pouvait, il est vrai, soutenir l'idée de voir sa chère Emily unie avec Grimes. Mais, par prudence, elle s'opposait de tout son pouvoir à ce que sa jeune amie en vînt à prendre un parti extrême. Elle ne pouvait pas s'imaginer que M. Tyrrell voulût persister dans un dessein aussi étrange. Et elle exhortait Miss Melville à mettre de côté pour quelques instants la franchise et l'indépendance de son caractère et à désarmer l'obstination de M. Tyrrell par les moyens les plus propres à le toucher. Elle avait une grande confiance dans l'éloquence vive et ingénue de son innocente pupille. Madame Jakeman ne savait pas ce qui se passait au fond de l'âme du tyran. Miss Melville se rendit au conseil de son amie. Un matin, aussitôt après le déjeuner, elle alla à son clavecin et se mit à jouer l'un après l'autre plusieurs des airs favoris de M. Tyrrell. Madame Jakeman s'était retirée. Les domestiques étaient allés chacun à leur besogne. M. Tyrrell voulait aussi sortir. Son âme était mal disposée à l'harmonie et il ne prenait pas cette fois grand plaisir à la musique. Mais Emily semblait avoir dans les doigts plus de légèreté et de talent qu'à l'ordinaire. L'idée de la cause qu'elle avait à plaider donnait vraisemblablement plus d'énergie à ses facultés, et comme elle se sentait le courage d'affronter la pauvreté, son âme ne se laissait pas abattre par la crainte. M. Tyrrell ne pouvait pas quitter la chambre, il la traversait d'un pas impatient. Un moment après, son œil menaçant se fixait sur la pauvre innocente, dont toutes les facultés s'exerçaient à lui plaire. Enfin, il se jeta dans un fauteuil vis-à-vis d'Emily, les yeux tournés vers elle. Il était aisé de suivre la marche des émotions qu'il éprouvait successivement. Ses sourcils froncés se déridèrent peu à peu, ses traits s'éclaircirent, le sourire parut y naître, la tendresse avec laquelle il avait autrefois regardé sa cousine semblait revivre dans son cœur. Émilie guettait le moment. Dès qu'elle eut fini la pièce qu'elle jouait, elle se leva et s'approcha de M. Tyrrell. « N'ai-je pas bien joué? Qu'allez-vous me donner pour récompense ?»« Pour récompense ?»« Allons, venez, je vais vous embrasser. »« Bon, ce n'est pas là mon compte. Pourtant, il y a bien des jours que vous ne m'avez embrassé. Autrefois, vous m'aimiez bien. Vous m'appeliez votre Émilie. Je suis bien sûr que vous ne m'aimiez pas plus que je ne vous aimais. Est-ce que vous voudriez me rendre malheureuse, dites ?»« Vous rendre malheureuse ?» Comment pouvez-vous me faire une pareille question? Mais prenez garde, n'allez pas travailler à me fâcher. Voulez-vous encore me fatiguer de toutes vos idées romanesques? Non, non, je n'ai pas d'idées romanesques. Mais j'ai besoin de vous parler sur une chose dont dépend tout le bonheur de ma vie. Oh, je vois bien où vous voulez en venir, taisez-vous. Vous savez que vous ne gagnerez rien à me tourmenter avec votre maudite obstination. Vous ne voulez pas que j'aie un seul moment de satisfaction avec vous? Quant à Grimes, je suis déterminé sur cela. Il n'y a rien au monde qui puisse me faire changer de résolution. Mais, cher cousin, je vous en prie, songez-y un peu. Il faut à M. Grimes une femme qui lui convienne. Il serait tout aussi embarrassé de moi que moi de lui. Pourquoi nous forcer tous les deux à faire ce qui est aussi opposé au goût de l'un que de l'autre? Je ne peux pas m'imaginer que vous ayez réellement ce dessein dans la tête. Mais par grâce, je vous en conjure, si vous l'avez, abandonnez-le. C'est une chose bien sérieuse que le mariage. Vous seriez bien fâché, pour une simple fantaisie, d'avoir uni deux personnes qui ne se conviennent pas le moins du monde. Nous serions contrariés et malheureux tous les deux, pour toute notre vie. Les mois, les années viendront l'un après l'autre et je ne pourrai espérer d'être à moi que par la mort de la personne que mon devoir m'obligerait d'aimer. J'en suis bien sûr, monsieur, il n'est pas possible que vous me veuilliez tant de mal. Qu'ai-je donc fait pour avoir mérité que vous soyez mon ennemi à ce point-là? Je ne suis point votre ennemi. Je ne veux que ce qui est nécessaire pour vous empêcher de tomber dans le précipice. Mais quand je serai votre ennemi, je ne pourrai jamais être pour vous un tourment pareil à celui que vous êtes pour moi. N'êtes-vous pas continuellement à me chanter les louanges de Falkland? N'êtes-vous pas folle de Falkland? C'est une légion de diable pour moi que cet homme-là. Avec sa suffisance et ses sottises, il vous a tous ensorcelés. Je le trouve partout dans mon chemin. Il se fait préconiser des hommes et admirer des femmes qui sont toutes aussi sottes que vous. Un bon et brave gentilhomme qui est de la franchise et du naturel est compté pour rien auprès de lui. À quoi me sert-il de n'être pas un gueux, de n'être pas un nabot ou un monstre? J'ai vu un temps où on avait de la considération pour moi, mais à présent qu'ils sont tous engoués de ce faquin francisé, ils me trouvent grossier, bourru, brutal, tyran. Il est vrai que je ne sais pas faire de belles phrases, flatter les gens par des louanges hypocrites et déguiser le fond de ma pensée. Le fat sait bien qu'il a tous ses misérables avantages et il ne s'en sert que pour m'insulter sans relâche. C'est un rival et un persécuteur que je retrouve toujours sous mes pas et au bout de tout, comme si ce n'était pas assez, il a trouvé le moyen d'apporter sa contagion jusque dans ma propre maison. Vous, que nous avons pris ici par charité, vous, qui êtes le malheureux fruit d'un mariage de surprise, voilà que vous vous tournez comme un serpent contre votre bienfaiteur et que vous me déchirez à l'endroit le plus sensible. Quand je le serai, votre ennemi, aurais-je tort? Pourrais-je jamais vous rendre tout ce que vous m'avez fait souffrir? Et qui êtes-vous, vous, 20 vies comme la vôtre peuvent-elles payer 1 heure de tourment de la mienne? Quand vous seriez 20 ans de suite à endurer toutes les tortures de la gêne, vous ne sentiriez pas ce que j'ai senti. Mais je suis votre ami. Je vois le chemin que vous prenez, et je suis déterminé à vous sauver des mains de ce suborneur, de cet hypocrite scélérat qui a conjuré notre perte à tous. Plus on laisse le mal à lui-même, plus il devient incurable, et je veux vous arracher sur le champ au danger dont vous êtes menacé. » Cette sombre et violente explication fit naître de nouvelles idées dans l'esprit de la tendre Miss Melville. Jamais M. Tyrrell n'avait dévoilé jusqu'à ce point les agitations de son âme, mais les tempêtes auxquelles il était en proie ne l'avaient plus laissé maître de lui-même. Elle découvrit avec surprise qu'il était l'ennemi mortel de Falkland, de ce Falkland qui lui semblait qu'on ne pouvait connaître sans l'admirer. Elle découvrit aussi qu'il gardait contre elle, au fond du cœur, une rancune profonde et enracinée. Les féroces passions de son cousin lui inspirèrent un mouvement d'horreur et d'effroi qu'elle ne pouvait expliquer, et elle comprit qu'elle n'avait plus rien à espérer de ce caractère implacable. Mais ce mouvement fut en elle un prélude de courage et non de lâcheté. « Non, monsieur, répliqua-t-elle, non, je ne chercherai jamais à vous déplaire. J'ai été accoutumée à vous obéir, et je vous obéirai toujours en tout ce qui sera raisonnable. Mais vous me poussez un peu trop loin. Que voulez-vous me dire de M. Falkland? Ai-je jamais rien fait qui puisse autoriser vos odieux soupçons? Je suis innocente et je le serai toujours. M. Grimes est bon pour trouver des femmes qui lui conviennent, mais à moi, il ne me convient pas. Et il n'y a pas de torture dans le monde qui puisse me forcer à devenir sa femme. » Ce ton ferme et décidé dans Emily ne surprit pas peu M. Tyrrell. Il avait compté avec trop de confiance sur la douceur ordinaire du caractère de cette aimable personne. Il chercha alors à adoucir un peu la dureté de ses premières expressions. « Dieu me donne, qu'est-ce que cela veut dire? Pouvez-vous bien vous emporter ainsi avec moi? Est-ce que vous croyez mener tout le monde à votre fantaisie et me faire faire vos volontés plutôt que de vous en rapporter à ma tendresse pour vous? Mais vous connaissez mes intentions, écoutez. J'insiste sur ce que vous receviez Grimes, que vous l'écoutiez de bonne grâce et que vous mettiez de côté avec lui tous vos grands airs et vos petites finesses. M'entendez-vous? Voulez-vous faire ce que je dis? Si après cela, vous persistez encore dans votre humeur opiniâtre, eh bien, nous verrons. Il faut une fin à tout. Ne croyez pas que personne se soucie de vous épouser malgré vous. Vous n'êtes pas un morceau si rare, je vous en réponds. Si vous entendiez bien vos intérêts, vous vous trouveriez fort heureuse d'accepter ce jeune homme pendant qu'il veut bien de vous. » Miss Melville entrevit avec grand plaisir, dans ces dernières paroles de son cousin, un terme assez prochain à la persécution qu'elle endurait. Madame Jakeman, à qui elle en fit part, la félicita de ce que M. Tyrrell paraissait revenir à des sentiments plus sages et plus modérés, et elle se sut elle-même bon gré d'avoir conseillé une démarche dont l'issue était aussi heureuse. Mais leurs félicitations mutuelles ne furent pas de longue durée. M. Tyrrell annonça à Madame Jakeman qu'il était dans la nécessité de l'envoyer quelque part pour une affaire qui la retiendrait quelques semaines, et quoique ce message n'eût rien en apparence d'artificieux ou de suspect, cependant une séparation si fort à contre-temps fut d'un augure sinistre pour les deux amis. Madame Jakeman, toutefois, exhorta sa pupille à tenir bon, lui rappela la disposition où son cousin avait paru de revenir sur ses pas, et elle l'encouragea à tout espérer du courage et du bon esprit dont elle était pourvue. De son côté, Émilie, quoique très peinée de l'absence de sa chère protectrice, dont les conseils lui étaient si nécessaires dans une pareille crise, ne pouvait pas, cependant, supposer assez de malice et de duplicité dans le cœur de M. Tyrrell pour concevoir de justes sujets d'alarme. Elle se flatta d'être bientôt délivrée d'une aussi cruelle persécution, et l'heureuse conclusion qu'avait eue la première affaire sérieuse de sa vie lui parut l'assurance d'un succès complet pour l'avenir. Cet état d'alarme et d'énergie fit bientôt place aux douces rêveries attachées à l'idée de M. Falkland. Les chimères auxquelles elle s'abandonnait à cet égard ne lui causaient aucune idée pénible. L'incertitude même de l'événement lui faisait désirer de voir se prolonger une situation qui pouvait être trompeuse, mais qui, telle qu'elle était, ne laissait pas d'avoir bien des charmes.